De grands garçons très francs, amis du firmament. Les yeux pleins de lumière et sans nulle manière. Dans le matin serein d'une journée sans fin, calmement décollait, c'était encore la paix. Au bar de l'Estadrille, parmi les rires et les trilles, ils fêtaient leur champion au retour des missions. Tous les dangers du ciel leur semblaient irréels. Les filles bien plus belles et plus fortes leurs ailes. Mais hélas, un matin, la vraie guerre survint. Leurs rires se figèrent et leurs traits se crispèrent. Sous le ciel tout en feu, quel combat valeureux! Les avions qui flambaient, les balles qui fauchaient. Au bar de l'Escadrille, finis les rires et les drilles, on comptait les absents. Tombait si crânement, une immense douleur leur déchirait le cœur. Les filles étaient moins belles et moins fortes leurs ailes. Ce fut le calme enfin et puis le grand chagrin. Les carlingues blessées, les ailes transpercées. On pleure les amis à tout jamais partis, en se disant déjà du grand jour qui viendra. Au bar de l'Escadrille, revivront les rires et les trilles pendant le ciel plus beau d'un monde enfin nouveau. Les avions de demain pour le bonheur humain dans la paix éternelle seront frémir leurs ailes. Cortège blanc des premiers beaux jours, venez, venez, c'est le printemps. C'est la romance des cœurs qui dansent parmi les rêves d'amour. Et la fête s'apparaître, fillette, tous les beaux garçons vont vous dire pour rire dans leur éternelle chanson. C'est dimanche, farandole d'amoureux. Vole dans le jour, vole pour toujours, infini des amours bleus. Robe blanche qui se penche, un serment tendre et joyeux. Danser recommence, danse, quelle chance, dans l'ivresse et perdue de tes yeux. C'est dimanche, on est heureux. Tu n'as rien dit, mais je t'ai choisi, c'était mon premier amoureux. 20 ans à peine, douce rengaine, refrain que l'on chante à deux. Et la fête s'apparaît, fillette, prenez un galant, révérence, romance, aimez-vous pendant qu'il est temps. C'est dimanche, farandole d'amoureux. Vole dans le jour, vole pour toujours, infini des amours bleus. Robe blanche qui se penche, un serment tendre et joyeux. Danse et recommence, danse, quelle chance, dans l'ivresse éperdue de tes yeux. C'est dimanche, on est heureux.

ni les pieds plats, ni poils d'éléphant, tout en se trémoussant, aspire le portefeuille d'un changement. Et Coco l'œil de verre secoue une rompière qui se met à crier subitement que son collier a foutu le camp. Mais personne ne s'inquiète de ça. J'ai fait vert, le menton en l'air, en essuie de gauche jusqu'en bas. J'ai fait vert, ni les pieds plats, venez-y et on rigolera. J'ai fait vert, le menton en l'air, car c'est un drôle de pensionnat. J'ai fait vert, si les pieds plats, trottor le matador, parfois gueule un peu fort, mais alors en suivant ce rythme-là, Dédé le mitrailleur, à qui rien ne fait peur, se met à tirer dans le ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Mais personne ne s'inquiète de ça. J'ai fait vert, le menton en l'air, en les swing du haut jusqu'en bas. J'ai fait vert, si les pieds plats. J'ai fait vert, j'ai fait vert, j'ai fait vert, le menton en l'air. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, mais lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit, aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon virent un bal. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui chante, s'il faut, peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. Avec moi, brisons-nous tous les deux de l'instant merveilleux. Fermons les yeux. Danse avec moi, profitons de l'accord qui fait vibrer nos corps. Dansons encore. Et la danse, et nous entendons. vibrer nos corps dans son charmant, plein de vaillance. C'est Auguste Corps, c'est les pompiers qui de Nanterre sont les braves troupiers. Ce corps-là, sacre bleu, bien qu'il éteigne les flammes dans le cœur des plus belles femmes, tous les jours il met le feu. Quand ces beaux pompiers vont à l'exercice, pleins d'une noble ardeur pour les admirer. Calalapa, ils embrassent d'abord leurs femmes et leurs fils, puis sans murmurer dans Nanterre ils vont manœuvrer. Zimlaïla, Zimlaïla, les beaux militaires. Zimlaïla, Zimlaïla, que ces pompiers-là. Zimlaïla, Zimlaïla, les beaux militaires. Zimlaïla, Zimlaïla, que ces pompiers-là. Regarde Augustin, quelle fière allure il a près de sa pompe. Mon Dieu, quelle beau âme! On dirait des Romains. Et monsieur le maire, crois-tu qu'il a le nez rouge? Il doit pas boire du château la pompe, celui-là. Ah oui, mais quand même, quelle troupe d'élite! Des litres, j'en boirais bien. Ah, et bien après le deuxième couplet alors. Deuxième couplet. Jadis faut-il croire nos pères, les rois se mariaient à des bergères. Même le pompier qui est bien planté, il peut prétendre aux dignités. À preuve le grand Gautier, qui vient la semaine dernière d'épouser l'héritière d'un riche cher tuitier. Quand ces beaux pompiers vont à l'exercice, pleins d'une noble ardeur pour les admirer. Calalapa, ils embrassent d'abord leur femme et leur fils, puis sans murmurer dans Nanterre ils vont manœuvrer. Zimlaïla, Zimlaïla, les beaux militaires. Zimlaïla, Zimlaïla, que ces pompiers-là. Zimlaïla, Zimlaïla, les beaux militaires. Zimlaïla, Zimlaïla, que ces pompiers-là. Vive les pompiers! Vive les pompiers! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme.

qui te regardait avec des yeux qu'en disait l'âge. Marie trop sage, Marie jolie, reviens vers nous, Marie jolie, Marie la belle. Il arrive, oui, parfois que le cœur se lasse au sauvetage des cœurs transis. Pour un beau gars qui te propose un palace, un soir d'orage, et t'es parti. Et depuis ce temps, dans le bistrot de la rue du Havre, Marie sirène, Marie jolie, ils reviennent tout cela et chantent en chœur les soirs d'orage. Pour que tu reviennes, Marie chérie, reviens vers nous, Marie jolie, Marie la blonde, du bout du monde, reviens vers nous, reviens vers nous, Marie jolie, Marie joconde, du cœur du monde, reviens vers nous. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la du cœur du monde. Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille au frais minois, la bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Tour de France, non, mais j'ai fait des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, que j'y réponds, carrefour. De ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour, et qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez de raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, la bicyclette, bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu à ces bicyclettes, bicyclettes, mon glace, je ne peux pas rien le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À ces bicyclettes, mon glace, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue. Mmh. à sa façon de nous appeler ses gosses. On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette quand on était fauchés. Elle payait pour nous. Plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette. On y retournera pour ne pas l'oublier, Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette. Et on reparlera les histoires du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera les histoires du passé chez Lorette. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Je suis né avec des yeux d'ange et des fossettes au creux des joues. J'ai perdu mes joues et mes langes et j'ai cassé tous mes joujoux. Je me suis regardé dans une glace et j'ai vu que j'avais rêvé. Je me suis dit... faudra bien que je m'y fasse, tout finira par arriver. Et je m'en vais clopin, clopant dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle, il y a des souvenirs qui s'amoncellent. Et je m'en vais clopin clopant en promenant mon cœur d'enfant. Comme s'envole une hirondelle, la vie s'enfuit à tire d'aile et ça fait mal au cœur d'enfant. Ils s'en vont seuls, clopin clopant. Tout le bonheur qu'on a vu naître, tes lèvres douces, parfum de miel, nos deux fronts contre la fenêtre, nos regards perdus dans le ciel,

un amour de passage, un vagabond d'amour. Oh Marilyn, Marilyn, Marilyn, y a tant d'amour sur les roses de tes joues. Contre le bout du cœur, on en garde et c'est tout. Oh Marilyn, Marilyn, Marilyn, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn, tu sais jouer tes appâts, tes atouts. Tu prends des poses comme dans les magazines. Oh Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn. Des sourires dans de l'air, je ne sais pas si vous. Des amours dans de l'eau, un amour de magie, ne sont pas éternels. J'ai un cœur, je sais. Marilyn, Marilyn, avec tes yeux de braise, je ne sais pas si vous. Et ton cœur de velours, et je pourrais t'aimer. Tu t'enflammeras un jour, je ne serai jamais. Un amour de passage, un vagabond d'amour. Oh Marilyn, Marilyn, Marilyn. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Oh Marilyn, Marilyn, Marilyn. Y a tant d'amour sur les roses de tes joues. Qu'au bout du cœur, on en garde les épines. Oh Marilyn, Marilyn. Marilyn, Marilyn, Marilyn, dans tes 16 ans, y a les fruits les plus doux et les pépins comme dans les mandarines. Oh Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn. Savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte. Et toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner. Face au destin qui nous désarme et devant le bonheur perdu. Il faut savoir, quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher impitoyable et partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa paix. De tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir, faut savoir rester de glace et faire un cœur. Je vous embrasse, je vous aime. Merci d'être à l'écoute de Sœur GFM. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter des côtés de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. Là, là, là. J'étais faite pour qui savait t'y faire. Pardonnant cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondingre, sinon elle devenait malingre. Puis un beau jour j'en ai eu marre, c'est épique la mer à boire. Je l'ai reculé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, j'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait leur plaire. Les vieilles maisons cachent le ciel par leur toiture. On ne reconnaît les saisons aux légumes des petites voitures. Dans cette rue sale et sans trottoir, les moineaux, les gosses, tout ça pioille. Ce qu'on peut s'y amuser pour voir, j'étais l'aîné toute une marmaille. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom, on dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond, le soir, on joue de l'accordéon. Dans la rue sans nom. Dans un coin noir, un joli blond m'avait embrassé par surprise. J'étais contente de cette leçon, la leçon d'amour, je l'ai bien comprise. Il ne m'a pas fallu plus de temps pour apprendre l'art de la toilette. J'avais tout juste 15 printemps et toute la rue perdait la tête. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon. dans la rue sans nom. Une belle môme ne reste pas là, loin de ma petite rue je promène ma bosse, mais ça durera que ça durera, quand j'en aurai marre de la noce. Un jour je m'en irai comme mes vieux, pour étudier ma vie de pécheresse, je retournerai parmi les gueux, dans la petite rue de ma jeunesse. C'est une petite rue, c'est le bout du monde, il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom, on dit d'elle au champ le menton, c'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventure, dès le matin elle sent la friture, à midi les gosses s'en vont, le soir on joue de l'accordéon. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque caveau sourd dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui sur notre émoi, et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque caveau sourd en Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure,